et la casse au bal du lézard et en direct du 89.1 le 2 juin dès 15h30. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. L'accroche-oreille, émission 22. Alors, l'accroche-oreille, émission 22, dimanche 1er juin. Alors, on reçoit ce soir Christophe Migonne, un artiste sonore de réputation internationale, qui était à Québec jeudi dernier, vendredi, pour participer au programme organisé par Éric Dorion, qui avait pour titre « Guérilla unie par le bruit », un projet présenté dans le cadre de la Manif d'art. Alors ce soir, Christophe Migonne a donné une entrevue à Jean-Pierre Gay et moi-même. Jean-Pierre qui est absent ce soir, qui est sur les routes, la route de Terre-Neuve, qui est parti voir voguer les glaciers, les icebergs. Alors, Christophe Migonne, pour le présenter, c'est un artiste multidisciplinaire, un écrivain. Il dit qu'il est un esthète malgré lui. Il s'intéresse au son caché, au son brouillé. C'est un artiste qui a travailler, je dirais, les sons mystérieux du corps, les craquements, les vents, les bruits de la gorge, de la bouche. C'est un artiste qui tire des inspirations, je dirais, qui fait partie, en tout cas, de cette lignée de créateurs sonores qui ont travaillé la voix. On pense notamment à Alvin Lucier ou encore à Vito Acconci ou Paul Dotton. Alors, ce soir, Christophe Migonne va nous brosser un portrait, je dirais, de son engagement artistique et notamment à titre de membre fondateur d'Avatar, le centre d'artistes dédié aux arts sonores. Donc, Christophe Migonne y joue un rôle important. Alors, allons-y dès maintenant avec cette entrevue menée avec Christophe Migonne. Christophe Migonne, bienvenue à Québec. Merci. Il y a longtemps qu'on voulait se croiser, enfin, ça a lieu dans le cadre de ce bel événement comme de la Manif d'art qui est organisée par Éric Dorion. On a la chance d'avoir avec toi un membre fondateur d'Avatar. J'aimerais ça qu'on en profite un peu pour avoir ton point de vue sur le début de cet organisme qui a maintenant 20 ans. Mm-hmm. Comment toi t'es arrivé là-dedans? Comment ça s'est bâti? Comment ça s'est passé? Je l'ai rencontré, Jocelyn, en 92 au Banff Center, dans le cadre d'un projet qui s'appelait Radio Rethink. Moi, je faisais une installation. En fait, c'était ma toute première installation dans une galerie. Et Jocelyn faisait partie de la résidence. Je crois qu'il a fait plein de choses durant les... je crois qu'il était là une douzaine de semaines. Moi, j'étais là pour la moitié, 6 semaines. Je connaissais son travail un petit peu avant. Je connaissais son disque sur Recommended Records, son premier disque. Mm-hmm. Parce que j'étais très impliqué dans la radio dans cette période-là, de 84-5 jusqu'à 94. Donc, tout ce qui était expérimental, je connaissais. Et surtout, son premier disque était assez mystérieux. Mm-hmm. Surtout sur un label qui avait une très bonne réputation. Et puis, c'était cette personne de Québec. C'était assez bizarre. Donc, c'était une belle rencontre entre nous deux. Et déjà, même là, au Banff Center, on a parlé de ce projet. C'était pas un organisme qui était nommé à la date, mm-hmm. mais on voulait démarrer quelque chose. Parce qu'on savait qu'il y avait un manque dans l'art sonore. Au niveau organisationnel. Et donc, c'est sûr qu'il y a le point de départ de problème géographique entre Montréal et Québec. Mais ça ne nous inquiétait pas trop. Et à ce moment-là, dans cette période-là, il y avait un programme au Conseil des arts du Canada qui s'appelait Explorations. Mm-hmm. On pouvait faire une demande même sans avoir un parcours au préalable. Et on a démarré l'organisme avec une bourse. C'était Charles-Éric Savard, Jocelyn Robert et moi. On a appliqué pour deux projets, Ding Dong Deluxe, qui était le premier disque, et Rappel, qui était le deuxième. Deuxième, oui. Donc moi, je m'occupais de Rappel, qui était sur l'art téléphonique. Mm-hmm. C'était vraiment le mécanisme organisationnel, le côté administratif, c'était vraiment Jocelyn qui s'occupait de ça. Il était sur place et c'était parrainé par Obscur. Je venais pour des réunions du CA dès qu'on était constitué comme organisme. Donc même dans la période où je faisais ma maîtrise à Halifax, la période où je faisais mon doctorat à New York, j'ai toujours eu un lien. Mm-hmm. Des fois j'étais sur le CA, des fois pas, des fois j'avais un projet, des fois non, mais il y avait toujours un lien assez étroit. J'ai habité à Québec seulement entre 97 et 98, où j'étais co-directeur artistique avec Jocelyn. C'était grâce à une autre bourse, on avait eu un support de financement au côté administratif, et puis Jocelyn était débordé et il m'a invité à partager ses tâches pendant un an avant que je quitte pour aller à New York. Donc en gros c'est tout. C'est le début. C'est le début comme ça. Et 20 ans plus tard, tu es rendu à Toronto maintenant, tu enseignes là-bas et on t'a revu lors de l'événement du 20e anniversaire. Quand on écoute ton travail, il y a quelque chose qui me dit d'irrévérencieux. Sur ton site internet un petit personnage qui tire la langue. Et il y a quelque chose qui me fait penser à cette espèce de clin d'œil de jeunes qui, à l'époque, ont décidé d'aller en rupture avec la musique et tout ça. Puis c'était une espèce de tirage de langue sur... et ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu cette photo-là. Est-ce qu'il y a encore de cet esprit-là dans ton travail? De contestation, de remise en question de la façon de faire les choses? J'ai toujours eu, je sais pas quand ça a commencé exactement, mais quand, dans mon parcours radiophonique, j'ai commencé par faire des émissions standards, où je jouais des choses, je passais de l'information. Mais j'ai commencé à jouer deux, trois choses en même temps, hein, faire des mix et apprendre à comment faire du montage. Et j'ai commencé à trouver dans certaines publications, dans certaines parutions sur disque, des choses semblables à ce que mon oreille voulait entendre, comme Negative Land, par exemple. Et tranquillement, j'ai su qu'il y avait d'autres émissions expérimentales ou des animateurs radiophoniques sur des radios alternatives qui, eux aussi, voulaient un peu briser les conventions radiophoniques. Mm-hmm. Même dans le contexte de radio alternative, il y a des conventions. Ils ne sont pas mauvaises nécessairement, ils sont comme ça. Mais il y a un esprit contestataire, ou au moins de jouer avec la forme, au lieu de se contenter avec la forme. C'est vraiment quand j'ai commencé à faire la radio à CKUT à Montréal, parce qu'avant j'ai débuté à Ottawa, où j'ai commencé à inclure beaucoup les appels de personnes de mes écouteurs. Des auditeurs. Et c'était pas simplement pour leur demander de parler sur un thème, une thématique, mais vraiment de faire des interactions un peu bizarres, comme ils appelaient, je les répondais pas, mais je les mettais sur les ongles, puis j'attendais. C'est qui va aller en premier, une sorte de jeu comme ça. Dire que c'est vraiment la voix qui m'intéresse ou la communication. Et non seulement la communication, mais aussi les failles dans ce processus de relation. Mais la voix est importante dans ton travail aussi. Tu joues beaucoup avec cette espèce de tension entre... On écoute ta voix dans tes pièces, puis on se demande, est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est... Il y a quelque chose de particulier dans ton travail avec la voix. C'est pas nécessairement voulu. C'est pas un acte ou c'est pas... Je ne pratique pas. J'enregistre et puis après je fais le montage. C'est la pièce qui évolue comme ça. Mais c'est toutes ces choses en même temps. Donc il y a des aspects. Il y a un côté humoristique ou pathétique. Un côté. Oui. C'est paradoxal souvent. Paradoxal. Il y a un côté vraiment aussi comme existentiel, un peu nihiliste aussi. Oui. Il y a des choses. La voix pour moi, je ne suis pas le premier à le dire, c'est vraiment une chose, une projection très vulnérable. On peut se rendre vulnérable. Mm-hmm. Surtout qu'on a. On s'appuie pas sur une démarche qui est donc un support comme une chanson ou un morceau d'information à communiquer. Mm-hmm. Donc dès qu'on a une sorte de vide, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Comment est-ce qu'on communique? Tout ce genre de questionnement, pour moi, je trouve souvent que je m'arrête au moment avant de se dire bonjour. Mm-hmm. Pour moi, juste la rencontre entre deux personnes, même si c'est quelconque, c'est, tu croises quelqu'un dans la rue, tu dis bonjour. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment important, ce moment. Mm-hmm. Et dès qu'on se penche sur ça, dès qu'on on presse pause, puis on attend, on essaie de voir au niveau... le micro-événement de ça, mm-hmm. la micro-éthique ou les implications de mm-hmm. ce geste, il y a des choses qui se passent. J'essaie d'explorer ça. Production, c'est avec Alexandre Saint-Onge. Deux univers, ben, en tout cas celle que j'ai vue, la rencontre avec Alexandre, vous avez produit une œuvre qui dure une trentaine de minutes. Music Gallery? On a fait une performance là, live. On en a fait une autre à Toronto l'automne dernier, dans le cadre d'une conférence académique. Donc, ma collaboration avec Alexandre Saint-Onge date de 1999. OK, c'est pas d'hier. Non, c'est pas d'hier du tout. Mmh. C'est un duo qui s'appelle Undo. OK. Et on a sorti 2-3 disques et on a démarré un label qui s'appelle Squint Fucker Press, qui est vraiment... on avait les deux eu des parutions sur différents labels, mais on était un peu tannés d'attendre. On était impatients. Mmh. Pour sortir un disque, tout ce que ça prend, c'est de l'argent, et puis on s'embarque là-dedans. Donc on a démarré un label qui est très non professionnel, très amateur. On n'a pas de bureau, etc. Mm-hmm. Donc dès qu'on a l'envie ou dès qu'il y a un moment où on a, par exemple, une conjoncture de choses, on sort un disque. Puis ça, je crois qu'on a sorti peut-être 14 disques. Pas tous de Alexandre et moi. Okay, ouais. Et on a quand même pris une pause qui n'était pas planifiée, mais donc cette performance à la Music Gallery l'année dernière, il y a 2 ans peut-être, c'était un renouvellement de notre travail en duo. Ton expérience radiophonique, c'est comme le point de départ. Et je suis curieux de savoir comment tu arrives à la radio. Très bonne question. Il y a une réponse autobiographique un peu quelconque, dans le sens que j'ai quitté Montréal et quitté la maison de mon père pour aller à l'université à Ottawa. Et j'étais très introverti. Mais passionné par la musique déjà. J'étais un peu embarqué par la musique progressive, comme tout le monde au Québec, mais aussi par le punk. Donc il y avait déjà un peu à travers le punk un aspect politique à ça. Et j'ai rencontré du monde, deux, trois personnes qui faisaient de la radio à Ottawa, à Carlton, CKCU. Et CKCU est une radio très importante dans Ottawa, elle a un rôle très important dans le milieu culturel dans cette ville. Et donc, j'ai commencé à m'appliquer là-dedans et j'ai trouvé que c'était plus facile à parler à un microphone qu'à une personne. C'est un peu bizarre de le dire, mais tu peux avoir des milliers de personnes qui t'entendent, mais ils ne sont pas là. Il y a aussi dans le métier de radio, il y a quelque chose qui tient c'est un personnage quelque part qu'on n'est pas nécessairement soi-même toujours. On est conscient qu'on parle à du monde, donc quelque part on a un certain rôle, une certaine personne. On se transforme un peu parce qu'on est à la radio. Oui, en fait, mon nom de plume à la radio dans cette période-là, c'était Chainsaw. Qui n'a aucun sens avec moi comme personnage, physiquement. Mais il y a toute une histoire derrière ça. Mais en tout cas, c'était un nom qui était devenu mon nom pour l'émission et tout ça. J'ai des amis de cette période-là qui ont la misère à dire mon vrai prénom. Thank you. CKRL Québec. CKRL a le mandat de faire la cueillette de matières recyclables lors de la fête nationale et on souhaite votre participation. Alors, qu'est-ce que vous faites le 23 juin prochain? Venez passer une soirée agréable tout en contribuant au financement de votre station et aussi à la propreté de votre ville. Faites part de votre intérêt en écrivant à direction@commercial.ckrl.qc.ca ou par téléphone 418-640-2575, poste 201. Du 22 mai au 7 juin, le Carrefour international de théâtre vous invite à la grande fête du théâtre. Le spectacle « Où tu vas quand tu dors en marchant » est de retour. Les jeudis, vendredis et samedis, de 21h à 23h, venez déambuler dans le quartier Saint-Roch où plus d'une centaine de comédiens, danseurs, musiciens et acrobates revisitent les lieux. Voyez Québec comme vous ne l'avez jamais vu. C'est carré, 89.1, les Québec. Cultive tes goûts. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Alors, l'accroche-oreille qui se poursuit avec Christophe Migonne. Alors, comme vous avez pu le constater, on fait une entrevue avec des enchaînements sonores. Alors, pour ceux qui ont le goût d'approfondir l'écoute des sonorités de Christophe Migonne, je vous réfère aux albums suivants. L'album Rappel, publié en 96, qu'on peut trouver chez Avatar. L'album Vex, produit en 98. Des projets comme les projets Undo, Hans Acabre et son tout dernier album, un vinyle tout frais pressé, je dirais, qui s'intitule Fingering. Alors, christophemigonne.com, dans une seule traite, un site assez substantiel dans lequel vous allez retrouver l'ensemble de la production sonore performative de Christophe Migonne. Et pour les références exactes, je vous réfère cette semaine, dans les prochains jours, au site lacrocheoreille.wordpress.com pour le suivi, le détail des pièces sonores qu'on a fait jouer ce soir. Alors, on poursuit avec l'entrevue Christophe Migonne, dernière émission de l'accroche-oreille. Donc, c'est un grand merci à Jean-Pierre Gay pour cette passion qu'il sait transmettre aux auditeurs. Et puis, on se dit à la prochaine. Là, je comprends bien l'intérêt de la radio, mais l'expérimentation radiophonique, est-ce qu'il y avait pour toi une... est-ce qu'il y a un déclencheur? Je crois qu'il y a... Je ne suis pas sûr s'il y a un seul déclencheur. Je crois que... en fait, j'ai commencé... Si je peux... Il y a eu un moment où je me suis rendu compte que j'étais un artiste. C'était un moment assez bizarre, peut-être en 89, où j'ai reçu j'avais fait des démarches, donc c'était avant la période Avatar, j'avais fait des démarches auprès du Conseil des Arts pour savoir dans quel créneau je devais appliquer. Puis ils avaient fait une recherche, puis ils m'avaient renvoyé une lettre en disant que, étant donné que j'avais participé à 2-3 festivals, j'étais un artiste. Et c'était quelque chose comme ça, du genre comme ça. Mais moi, je ne pensais pas à ça. Avant, en 84, 5, 6, j'ai commencé à faire de la poésie. J'ai aussi fait de la graffiti dans la rue à Ottawa, avec des textes. Et c'était un peu la période punk où j'étais très influencé par en particulier le groupe Crass. Et le groupe Crass a des slogans que j'adaptais un peu dans mon style. Et j'avais aussi une iconographie, en fait, ces tatouages de cette période-là. Donc j'avais une sorte de conscience politique qui se transformait en la volonté d'agir. Et ça aurait pu aller de n'importe quel sens, mais ça s'est défoulé dans un créneau artistique. Et la radio est devenue un véhicule à la fois d'expression et d'expérimentation. Exactement. Et l'enseignement là-dedans, parce que se présenter devant une classe, devant des jeunes, comment c'est venu l'idée d'enseigner? Mon premier cours que j'ai enseigné, c'était à NASCAD, à Halifax, en 94. Mais j'avais déjà fait la formation dans mon rôle de... J'étais un des employés à la radio à McGill, à CKUT. Donc je formais des annonceurs, animateurs. Et même récemment, j'ai eu une conversation avec quelqu'un que j'avais formé, que j'ai rencontré à Boston après une quinzaine d'années que je ne l'avais pas vu. Et il y avait toujours un aspect magique où quand tu es en face d'équipements qui semblent vraiment hyper compliqués à quelqu'un qui est novice, et de le faire découvrir comment... ça, pour moi, c'est un aspect politique aussi, comment partager le pouvoir d'agir. C'est aussi simple comme ça. Et d'expérimenter. C'est sûr que des personnes que j'ai formées ont abandonné ou ils ont fait des choses très standards, mais c'est pas grave. Il y a toujours le potentiel, en tout cas, d'ouvrir une fenêtre et l'imagination. Thank you. Il y a une œuvre aussi qui se promène beaucoup ces temps-ci, que j'ai vu, là, qui a circulé beaucoup, c'est Hit Parade. J'ai eu l'occasion, c'est bien ça, hein, Hit Parade. J'ai bien eu l'occasion de la voir, mais en 2009, je pense, au Musée national des Beaux-Arts. Et c'était assez particulier comme travail. Moi, ça avait été mon premier contact avec ce que tu faisais. Mm-hmm. Tu étais étendu sur le sol, sur les planchers du musée, et tu frappais avec ton micro. Cette œuvre-là a beaucoup circulé. Oui. Il y a quelque chose de très physique dans ça. C'est... J'étais pas le seul, en fait. Il y avait une douzaine de personnes avec moi et ils étaient tous reliés, eux, avec leur propre microphone à des amplificateurs. La structure très basique de cette performance, c'est que le monde est à plat, par terre, et doit frapper le sol 1000 fois avec le microphone. Donc les microphones se cassent ou arrêtent de marcher, mais il faut frapper 1000 fois. Tout le monde commence plus ou moins en même temps, mais chacun choisit son propre rythme. Ça, c'est hyper important pour moi. Donc ça peut durer une éternité. Mais il y a toujours un aspect d'adrénaline que ça fait en sorte que les 10 fois que j'ai fait dans 10 différentes villes, c'est toujours entre 20 et 40 minutes. Pour moi, c'est comme une sorte de happening, dans le sens que le résultat sonore est hyper chaotique, hyper sale. C'est des micros très cheap. C'est des conditions acoustiques très... c'est minimaliste. Comme ici. Exactement. On n'est pas à la radio. Mais c'est pas grave. C'est vraiment c'est très viscéral, c'est très physique. Il y a une sorte de protestation. La première fois que je l'ai fait, c'était... Dans un musée aussi? Non, la première fois, c'était dehors. C'était dans le cadre d'un organisation. Il y avait un musée derrière ça. C'était en Corée du Sud. Dans le premier festival d'art sonore dans ce pays. Et c'était en 2007. Et pour moi, le point de départ, c'était un slogan des situationnistes, sous les pavés, la plage. Mm-hmm. Donc j'étais en train de chercher avec d'autres participants de creuser à travers le tarmac, d'essayer de trouver la plage. C'est sûr que c'est hypothétique ou utopique, mais c'était ça. Je reviens à l'expérience du musée. C'était dans un musée. Il y avait un aspect contestataire là-dedans. Mm-hmm. Dans un musée où on ne brise rien, on fait attention. Les gens de sécurité sont habituellement très, très près de ce type d'intervention-là qu'ils n'aiment habituellement pas voir. Donc, il y avait quelque chose de contestataire dans cet événement-là. Non, c'est sûr. Puis, je deviens, au fil des années, parce qu'il y a eu une dizaine de fois qui ont déjà été faits, il y en a deux qui s'en viennent. J'ai toute une liste d'instructions et j'ai des négociations avec les organisateurs pour qu'ils se rendent compte de quoi il s'agit. Mais tout ce qui est abîmé, c'est vraiment les microphones. Mm-hmm. Ça, thank you. Ce soir, c'est une performance en deux parties, je crois. J'improvise quand même, mais ce que j'ai planifié, c'est une pièce comme d'introduction qui est basée sur un disque que j'ai produit avec Avatar en 2008 ou 2009, je crois, qui s'appelle Vex. Mm-hmm. Où c'était trois portraits, trois collaborations, un portrait de Eric Satie avec Michel F. Côté, un portrait de Gilles Deleuze avec Louis Ouellet, et un portrait de Antonin Artaud avec Gregory Whitehead. Et j'ai jamais vraiment présenté ça en performance, donc j'ai pris une petite section qui vraiment est focussée sur la voix, et je vais faire ça. Et après, les deux tiers de la performance va être axé sur Fingering, qui est mon dernier disque, sur Squintfucker Press, qui est un disque très bruitiste. Et, j'utilise mon instrument, si je peux l'appeler comme ça. C'est une machine à ruban qui a été éventrée, et donc tout ce qui reste, c'est le mécanisme. Et avec des micro-contacts, je joue le mécanisme d'une manière très bruitiste. Donc c'est relié à Hit Parade dans un certain sens, mais les choses que je peux découvrir soniquement avec cette machine et ce microphone, et à chaque fois il y a une révélation. Donc au début j'amenais des effets, tout ça, pour traiter tout ça, puis j'ai réduit pour juste la machine et moi. Ouais. Christophe, quand on regarde le parcours depuis les premiers moments d'Avatar jusqu'à maintenant, quelle réflexion t'inspire là je dirais l'expression, la présence de l'art sonore puis de l'art audio actuellement. Comment tu réfléchis cette présence beaucoup plus affirmée qu'il y a 20 ans? Non, c'est sûr. Au début des années 80, il y avait eu Sound by Artists, qui était une publication assez majeure. Juste avant ça, il y avait eu Broken Music, qui était venu à Montréal. C'était une expo qui était originaire d'Allemagne. Donc il y avait deux, trois choses. Et quand même, il y a toute une filée de l'avant-garde, John Cage, même les surréalistes et Dada en particulier, qui avait un aspect sonore. Mais cette histoire n'avait pas été tracée vraiment. C'est sûr qu'entre-temps, donc au début d'Avatar, on pensait qu'il y avait un sort de momentum, mm-hmm. parce qu'il y avait eu ces publications, il y avait eu Radio Rethink, mais c'était quand même assez tranquille. C'est vraiment, je crois que je dirais peut-être en 2000-2001 que vraiment tout a démarré. Il y a eu des expos au Pompidou, au Tate, il y a toutes sortes d'expos dans des institutions majeures concentrées sur l'art sonore. C'est sûr que je suis assez critique de ces expos parce que c'est très généraliste, c'est très historique, et pour moi c'est pas le médium en tant que tel qui est hyper important, c'est pas vraiment le son, c'est la thématique ou ce qu'on peut explorer à travers ce médium, parce que si on transpose ça en disant on va faire une grosse expo sur la peinture, ok, c'est, puis quoi, c'est un moyen, ou la photo, ou la sculpture,